Je suis sur la route des princes, mais bon, y'a rien de charmant. La hesse me fait mal à la tête, y'a pas de médicaments. Je travaille pour manger tard le soir, je fais mal à mes ligaments. Mon fils ne baisse jamais les bras, c'est ce que me dit maman. On fait avec, je marche avec le d'affaires. Mon frère, si tu savais, j'aimerais que tout s'arrête. Bah ouais, sur la route j'ai calé. Plus d'essence, plus rien, j'ai tout donné pour que maman puisse manger. Je veux devenir un prince, peu importe ce qu'il pense. Hier soir j'en ai rêvé, je voulais pas me réveiller. J'aimerais rouler vite sur la route, mais il y a des trous sur le goudron. Papa n'a plus vraiment de souffle. À mon tour de faire, je n'ai plus 10 ans. Oui, je rêve de toucher le sommet. Chez moi, y'a pas de building. Si tu vois que je brille, c'est juste le soleil. Personne ne connaît ma vie. Je suis sur la route des princes, mais bon, y'a rien de charmant. La hesse me fait mal à la tête, y'a pas de médicaments. Je travaille pour manger tard le soir, je fais mal à mes ligaments. Mon fils ne baisse jamais les bras, c'est ce que me dit maman. On fait avec, je marche avec le tablet. Mon frère, si tu savais, j'aimerais que tout s'arrête. Les miens ont misé sur moi, mais j'ai peur de nous noyer. On m'a dit de partir loin d'ici, mes amis s'éloignent, les rues en témoignent. Le nord nous a séduits, ici les rêves s'épuisent. J'aurais aimé marcher sans doute, j'ai trébuché sur mes illusions. Chaque jour que Dieu fait, maman souffre, à mon tour de gérer la maison. Oui, je rêve de toucher le sommet, chez moi y'a pas de building. Si tu vois que je brille, c'est juste le soleil. Personne ne connaît ma vie. Je suis sur la route des princes, mais bon, y'a rien de charmant. La hesse me fait mal à la tête, y'a pas de médicaments. Je travaille pour manger tard le soir, je fais mal à mes ligaments. Mon fils ne baisse jamais les bras, c'est ce que me dit maman. On fait avec, je marche avec le tablet. Mon frère, si tu savais, j'aimerais que tout s'arrête. On fait avec, c'est Dieu qui donne et c'est lui qui reprend, ça ira mieux demain. Je marche avec peu d'affaires, je me suis interdit d'abandonner tant que j'aimais demain. Mon frère, si tu savais, c'est Dieu qui donne et c'est lui qui reprend, ça ira mieux demain. J'aimerais que tout s'arrête, et c'est pour ça que sur la route des princes, on chante le même refrain. Je suis sur la route des princes, mais bon, y'a rien de charmant. La hesse me fait mal à la tête, y'a pas de médicaments. Je travaille pour manger tard le soir, je fais mal à mes ligaments. Mon fils ne baisse jamais les bras, c'est ce que me dit maman. On fait avec, je marche avec le tablet. Mon frère, si tu savais, j'aimerais que tout s'arrête. La route des princes, Conakry. On a tous une route des princes, un but à atteindre, des rêves. Force à toute l'Afrique, force au monde. Yeah. Éternellement insatisfait.